Voici votre bulletin régional. Du 12 au 18 avril, on souligne la semaine de l'action bénévole à Istingis. Une formation ISMR, Initiative sportive en milieu rural, aura lieu le dimanche 12 avril de 9 à 16 heures au Centre communautaire de Dodwell. Cette formation s'adresse aux ados de la MRC du Haut-Saint-François. La formation est gratuite pour les participants. Un transport est également fourni en cas de besoin. Il suffit de le mentionner lors de l'inscription. Les participants doivent apporter leur lunch, collations et vêtements de sport. Pour inscription, contactez Animation Jeunesse du Haut-Saint-François au 819-943-4571 ou à ajeunesse.hsf@live.ca. Rencontre Activité Femmes d'ici de la FEAS de Istingis le 13 avril à 19h30 au sous-sol de l'église Saint-Louis de France. Sujet à vos papiers par Madame Christelle Rivard de la CEF. Bienvenue à toutes les femmes membres et amies. Téléphone 819-832-2656. Début des cours d'aquaform le 13 avril à la piscine du manoir de l'Eau-Vive à Cookshire. Les cours s'étendent sur 8 semaines. Tarif 96$ pour 8 cours, 160$ pour 16. Information auprès d'Emmanuel Laliberté au 819-875-1024 ou par courriel manulaliberté@hotmail.com. Inscription à l'hôtel de ville de Cookshire au 819-560-8585, poste 2311. Collecte de sang le 14 avril, de 14h30 à 20h30, à la polyvalente Louis-Saint-Laurent.